à Sté. On est en novembre 2009. Ici, la vie, elle est trop dure, gros. Je t'écris cette lettre. J'espère que tu me répondras. Peux-tu me dire pourquoi les hommes changent? Les hommes partent si vite et certaines scènes sont étranges, n'est-ce pas? Pourquoi certains parlent beaucoup? Ils déballent dans nos dos à nous entendre le coup. Crois-tu que ça vaut le coup de déballer ma life? Inscrit dans les records du passé malade. En fait, je t'écris cette lettre pour te demander pourquoi. Pourquoi la vie est rude et toi perso t'en penses quoi? C'est clair, j'ai trop de mal quand je parle, ma voix tremblote grave. Pour ça que je parle qu'au brave. Que penses-tu du rap en ce moment? Crois-tu qu'il part en couille ou est-ce un mauvais moment? Crois-tu qu'on peut vivre tranquille en fait sans dette? Y'a rien à faire, peut-être pour ça qu'on s'embête. Sinon, comment ça se passe par chez toi? J'espère que le peur a marche, t'inquiète bientôt on check ça. Au fait, faut faire des sons qui pètent, des sons qui sonnent. Il faut qu'on sorte et lâche du lest, poteau. T'inquiète, bientôt on réussira, on s'en sortira et ce grâce au pleura. Faut faire des sons qui pètent, des sons qui sonnent. Il faut qu'on sorte et lâche du lest, poteau. T'inquiète, bientôt on réussira, on s'en sortira et ce grâce au pleura. A mon avis, leur jeu, la vie est comme au progressement. Ça crée des maux de tête et personne n'a de médicaments. Des scènes étranges qui deviennent ensuite des scènes sanglantes. Là, c'est d'or pas content qu'on en parle musicalement. Quant aux langues de pute qui jattent de trop, qu'est-ce nos troupes à 8-7, les baisses tous font des barbares. Gros, des balles, faut que ça sorte, même si ça saigne, tant que ça soigne. La vie est rude pour tout te dire, pour moi, c'est des broutilles. Si tu te donnes tous les moyens, c'est sûr tu aboutis. Et ton bénéfice, c'est le désert, après, c'est ta foutie. Depuis les pop-up qui une pop-up du zen, au lieu de briser le ciel. Vers Césaire, je m'efforce de prendre des textes sévères comme le poète Césaire. Dans ce monde, je ne crois pas que l'on puisse vivre tranquille. C'est comme dire tout sa main est planqué dans ma. En vrai, faut faire l'effort des gros sommeurs, pas qu'on s'ennole ou qu'on s'endorme. Car nous, on vise le trône. J'espère que ça s'appréciera. Nos fonds aussi la première comme Ayrton Senna. Faut faire l'effort des gros sommeurs, pas qu'on s'ennole ou qu'on s'endorme. Car nous, on vise le trône. J'espère que ça s'appréciera. Nos fonds aussi la première comme Ayrton Senna. En vrai, faut faire l'effort des gros sommeurs, pas qu'on s'ennole ou qu'on s'endorme. Car nous, on vise le trône. J'espère que ça s'appréciera.